Ce qui est perturbant, enfin, cette musique, la basse qui est très rassurante, la basse. Et les gammes de piano, c'est complètement déstabilisant. D'accord, donc on n'est pas le style. Thank you.